Si c'est pas où, pas quel autre, sans où son mélodie, qui manque une note. Si c'est pas où, pas quel autre, oh, oh, si c'est pas où, pas quel autre, sans où son mélodie, qui manque une note. Si c'est pas où, pas quel autre. Ça fait 5 ans déjà depuis si chéri t'es coupé. Pas de gens penser que c'est comme ça, image ta maquée. Malgré moi t'es très confiant, pas de gens pointe à des gens se parler. Mais je dis à son jour béni, grâce à où n'est sa chérie. Moi qu'à songer l'aide de l'école qui j'en ai t'es belle. Souris ou t'es cou, soleil bouche sans parler pour si mouniel. T'as moins ou en rêve, j'ai fait des paradis que va même connaître. Pour faire vivre moins fleurir, on est sa chérie. On est sa awa. Tu es si belle, si naturelle. Oh, on est sa awa. Tu es celle qui fait pâlir la conscience. On est sa awa. Aussi longtemps. Te chercher, Vanessa Awa. Oh ma beauté, enfin je t'ai trouvé. Vanessa Awa, tu es si belle, si naturelle. Oh Vanessa Awa, tu es celle qui fait pâlir la conscience. Vanessa Awa, aussi longtemps à te chercher. Pas lire leur conscience. Sweetness, ton compas.